Radiomatique. Think it's over, things remain. But anyone can change. Amorcer la transmission 5, 8, 4 d'Audiomatique. Les sonoristes ont choisi de vous présenter le groupe américain Other Lives. De son premier album, qui est homonyme et qui est paru en 2009, nous écoutions la pièce Matador. Et on continue maintenant avec la formation portugaise Der Stil. Thank you.

C'était le groupe Parade Ground et sa composition Off Balance, parue initialement sur l'album simple Strange World, sorti en 1987. C'est aussi possible de retrouver cette pièce sur l'anthologie de Parade Ground, intitulée The Hidden Side. Avant cela, nous écoutions le groupe Lima Tressé et sa composition Consolamentum, apparaissant sur l'album, l'unique album Los Sueños Mueren Primero, paru en 1990. Et en début de séquence, c'était la formation Dair Steel et sa composition Flores do Vicio, qu'on peut retrouver sur la compilation, Rock Rendez-vous Musica Moderna Portuguesa, qui présente différents groupes ayant évolué sur la scène underground au Portugal en 1985-1986. Audiomatique se poursuit maintenant avec la formation allemande Nonkin. Nous avions droit à Audiomatique, à la formation The Acid, de laquelle fait partie le DJ anglais Adam Freeland. Du premier album de la formation The Acid, intitulé Liminal et sorti en 2014, nous entendions la chanson Clean. Et pour débuter ce segment musical, il s'agissait du groupe allemand Nonkeen, qui a été fondé entre autres par Nils Fromm. Nous vous présentions la pièce « Mark » qui est tirée du troisième album de Nonkeen, intitulé « All Good » lancé en 2024. Audiomatique reprend maintenant sur la musique de Future Sound of London. Thank you. Thank you. Audiomatic, nous venons d'entendre la composition Simultanéité 4 du projet québécois Automatisme mené par l'artiste William Jourdain. La composition entendue se retrouve sur l'album Moment Form Accumulations, publié en 2016. Et avant Automatisme, c'était The Future Sound of London et la composition Fentanyl, Clouding of Consciousness, disponible sur l'album EP Capture. En conclusion de cette transmission 584 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire entendre la formation française Feu Chatterton de son quatrième album studio Labyrinthe, qui est sorti le 12 septembre 2025. Nous écouterons la chanson Sous la pyramide. Restez à l'affût pour la transmission 585 d'Audiomatique mercredi prochain. Et d'ici là, n'hésitez pas à consulter notre profil facebook.com/audiomatique-cfou pour découvrir les choix musicaux des sonoristes à travers les années. Voici donc Feu Chatterton avec la chanson Sous la pyramide. C'était Audiomatique avec les sonoristes. la pyramide, les rois sont endormis. Lumière sur la carrosserie, lumière sur le vide, sous la pyramide. Combien de rois maudits, lumière sur la carrosserie, lumière sur nos ombres. Sous la pyramide.